mec. Salut, ça va? Ouais, si, ma gueule, bien et toi? Tranquillement? Ouais, tranquille, tranquille. Ouais. Eh, tu sais quoi, j'ai un truc à te raconter. Un ouais, c'est quoi? J'ai rencontré une genre de meuf. Oh là là! Vas-y, raconte alors. Je voulais te dire que j'ai rencontré cette fille le 24 du mois d'avril dans une soirée à Paris. Je te raconte tout ce qui s'est passé sur le comptoir. J'étais accoudé, elle est venue m'aborder. On a parlé et parlé. Les heures ont défilé pour ne s'arrêter pas. Je n'en revenais pas. Ce soir-là, moi qui ne croyais plus en rien, une étoile m'illuminait. Les moindres coins de mon cœur, tout éteint, sombrant dans les souterrains. Cette fée a su me relever par ses doux baisers. Et là, je t'assure que l'amour d'elle, je compte bien y rester. Être fidèle, car je te jure que je l'aime. Je l'aime. La première fois que je ressens ce sentiment si intensément. Écoute-moi, crois-moi, près de chez moi habite cette perle. J'en ai rêvé, je la voulais. J'ai dit que je l'aurai, je l'ai eu, je l'ai, je la garderai. Mec, ça fait plaisir pour toi parce que tu mérites ça. Moi c'est pas tout à fait ça, elle s'appelle Melinda. Melinda. Toi, rien ne ressort, sauf que tu vois, elle me déçoit. C'est la vie d'un soir, on l'a fait, puis chacun est rentré chez soi. C'est dommage, t'imagines même pas, j'en ai rêvé. Venu vers moi avec ses bas, son style t'aurait achevé. Si de lever la main sur une femme, c'est magnifique. J't'avoue mon gars, je me rappelle encore ses yeux maléfiques. Ce regard bleu dans lequel je me suis noyé. Quelle belle brune, t'inquiète, qu'elle a bien aboyé. J'ai trop kiffé, mais ça n'a pas duré, du coup j'ai rappelé. Et ça s'est passé comme je disais, c'était pour la soirée. En plus je crois, cette fille l'habite vers chez toi. Dès que je vois une belle meuf, je repense à cette fois. Je voudrais trop la revoir, elle me fait péter un câble. Du côté Neuilly Plaisance, faut trop je la recale. J'suis dans les gares, moi avec l'amour je m'en tire pas. J'arrête pas de mentir et je tire qu'en reçoit. Ma vie en pire pour ça, alors sois heureux pour moi. Et au pire ou au mieux tu resteras amoureux. J'suis dans les gares, moi avec l'amour je m'en tire pas. J'arrête pas de mentir et je tire qu'en reçoit. Ma vie en pire pour ça, alors sois heureux pour moi. Et au pire ou au mieux tu resteras amoureux. C'est ciao là, Melinda pour des yeux bleus, Neuilly Plaisance. Mais t'as fou la neuf. Bah elle taffe à McDo là, vers Montparnasse. Quoi, mais c'est ma meuf elle. Non, c'est pas possible, c'est une coïncidence mec, attends, c'est impossible, je te jure. Ok, j'ai l'impression que c'est la même. Avec elle, un tatouage sur l'avant-bras. Je me rappelle bien l'avoir vue dans ses draps. Putain, mais j'hallucine, c'est Melinda, celle que je nomme ma princesse. Comment est-ce possible, je suis sur les nerfs. Ouais, mais c'est quoi le délire et c'est quoi cette meuf? Moi qui la croyais bien, voilà maintenant qu'elle donne ses seufs. C'est bien elle, j'ai peur pour toi que ça soit pas sa seule fois. C'est quoi cette histoire, c'est grave, ça va me rendre malade. J'ai trop la rage, comment ai-je pu me faire avoir comme ça? Pas un simple regard, j'aurais dû savoir, j'ai qu'une envie, celle de me venger. Car sa trahison est fatale. Comment j'ai pu me faire trahir? Avec elle, j'aurais voulu vivre une vie féerique. Elle me laisse que de la hargne. Laisse tomber, elle t'a engrainé. Tu vas pas sombrer pour une sale traînée. Car maintenant quoi elle va nous entraîner. Mec, appelle-la pour moi et ça va pas traîner. Putain, mais sérieuse la meuf, ça m'a sur les nerfs là. Sérieuse. Bah ouais, putain, vas-y, viens, on va l'appeler. Attends. Bah, appelle-la. Écoute, calme-toi et tu l'appelles. Ouais, allez, vas-y, je l'appelle. Vas-y.